Chapitre 13. Le coq ne dormit pas cette nuit-là. Et cependant, il y avait plus de 48 heures qu'il était sur pied et qu'il n'avait pour ainsi dire ni bu ni mangé. Mais la fatigue même, les émotions, l'anxiété et l'espoir communiquaient à son corps l'énergie factice de la fièvre et à son esprit la lucidité maladive qui résulte d'efforts exorbitants de la pensée. C'est qu'il ne s'agissait plus, comme au temps où il travaillait chez son protecteur l'astronome, de poursuivre des déductions en l'air. Ici, les faits n'avaient plus rien de chimérique. Ils n'étaient que trop réels, les cadavres des trois victimes qui gisaient sur les dalles de la morgue. Mais si la catastrophe était matériellement prouvée, tout le reste n'était que présomption, doute, conjecture. Pas un témoin ne se levait pour dire quelles circonstances avaient entouré, précédé, préparé l'affreux dénouement. Une seule découverte, il est vrai, devait suffire à éclairer ces ténèbres où se débattait l'instruction, l'identité du meurtrier. Quel était-il? Qui avait tort ou raison, de Gévrol, soutenu par les gens du dépôt, ou de Lecoq, seul de son bord? L'opinion de Gévrol s'appuyait sur une preuve formidable, l'évidence qui pénètre dans l'esprit par les yeux. L'hypothèse du jeune policier ne reposait que sur une série d'observations subtiles et de déductions dont le point de départ était une phrase prononcée par le meurtrier. Et cependant, Lecoq n'avait plus l'ombre d'un doute, depuis une courte conversation avec le greffier de M. d'Escorval, qu'il avait rencontré en sortant du dépôt. Ce brave garçon, adroitement interrogé par Lecoq, n'avait point vu d'inconvénient à lui apprendre ce qui s'était passé dans la cellule des secrets entre le prévenu et le juge d'instruction. C'était, autant dire, rien. Non seulement le meurtrier n'avait pas avoué à M. d'Escorval, mais il avait, assuré le greffier, répondu de la façon la plus évasive aux questions qui lui étaient posées, et même à certaines il n'avait pas répondu. Si le juge n'avait pas insisté, c'est que pour lui, ce premier interrogatoire n'était qu'une formalité destinée à justifier la délivrance un peu prématurée du mandat de dépôt. Dès lors, que penser de l'acte de désespoir du prévenu? La statistique des prisons est là pour démontrer que les malfaiteurs d'habitude, c'est l'expression, ne se suicident pas. Arrêtés chauds du crime, les uns sont pris d'une exaltation folle et ont des attaques de nerfs, les autres tombent dans une torpeur stupide, pareille à celle de la bête repue qui s'endort, les babines pleines de sang. Mais aucun n'a l'idée d'attenter à ses jours. Ils tiennent à leur peau, si compromise qu'elle soit, ils sont lâches, ils sont douillets. L'abject Poulman, pendant sa détention, ne put jamais se résoudre à se laisser arracher une dent dont il souffrait tant qu'il en pleurait. D'un autre côté, le malheureux qui, dans un moment d'égarement, connaît un crime, cherche presque toujours à échapper, par une mort volontaire, aux conséquences de son acte. Donc, la tentative avortée du prévenu était une forte présomption en faveur du système de Lecoq. Il faut, se disait-il, que le secret de cet infortuné soit terrible, puisqu'il y tient plus qu'à la vie, puisqu'il a essayé de s'étrangler pour l'emporter intact dans la tombe. Il s'interrompit, 4 heures sonnaient. Lestement, il sauta à bas de son lit, où il s'était jeté tout habillé, et 5 minutes plus tard, il descendait la rue Montmartre, où il logeait déjà à cette époque, mais dans un hôtel garni. Le temps était toujours détestable, il brouillassait. Mais qu'importait au jeune policier? Il marchait d'un bon pas quand, arrivé à la pointe Saint-Eustache, il fut interpellé par une grosse voix railleuse. « Hé, joli garçon !» Il regarda et aperçut Gévrol, qui, suivi de ses 3 agents, venait jeter ses filets aux environs des Halles. C'était un bon endroit. Il est rare qu'il ne se glisse pas quelques filous altérés dans les établissements qui restent ouverts toute la nuit pour les maraîchers. « Te voilà levé bien matin, monsieur Lecoq, » continua l'inspecteur de la Sûreté. « Tu cours toujours après l'identité de notre homme ?»« Toujours. » »« Est-ce un prince déguisé, décidément, ou un simple marquis ?»« L'un ou l'autre, à coup sûr. »« Bon. En ce cas, tu vas nous payer une tournée à prendre sur ta future gratification. » Lecoq consentit, et la petite troupe entra en face dans un débit. Les verres remplis. « Ma foi, général, reprit le jeune policier, notre rencontre m'évite une course. Je comptais passer à la préfecture pour vous prier, de la part du juge d'instruction, d'envoyer ce matin même un de nos collègues à la morgue. L'affaire de la poivrière a fait du bruit, il y aura du monde, et il s'agirait de dévisager et d'écouter les curieux. C'est bon, le père Absinthe y sera dès l'ouverture. » Envoyer le père Absinthe là où il fallait un agent subtil était une moquerie. Cependant, le coq ne protesta pas. Mieux valait encore être mal servi que trahi, et il était sûr du bonhomme. « N'importe, continua Gévrol, tu aurais dû me prévenir hier soir, mais quand je suis arrivé, tu étais déjà parti. »« J'avais affaire. » »« Où ?»« À la place d'Italie. Je voulais savoir si le violon du poste est pavé ou carrelé. » Sur cette réponse, il paya, salua et sortit. « Tonnerre ! » s'écria alors Gévrol, en reposant violemment son verre sur le comptoir. « Sacré tonnerre ! Que ce cadet-là me déplaît ! Méchant galopin ! Ça ne sait pas le béaba du métier et ça fait le malin. Quand ça ne trouve rien, ça invente des histoires, et ça entortille les juges d'instruction avec des phrases pour avoir de l'avancement. Je t'en donnerai, moi, de l'avancement. À rebours ! Ah ! Je t'apprendrai à te ficher de moi !» Le coq ne s'était pas moqué. La veille, en effet, il s'était rendu au poste où avait été enfermé le prévenu. Il avait comparé au sol du violon la poussière qu'il avait en poche, et il rapportait, croyait-il, de cette expédition, une de ces charges accablantes qui, souvent, suffisent à un juge d'instruction pour obtenir des aveux complets du plus obstiné prévenu. S'il s'était hâté de fausser compagnie à Gévrol, c'est qu'il avait une rude besogne à mener à bonne fin avant de se présenter à M. d'Escorval. Il prétendait retrouver le cocher qui avait été arrêté par les deux femmes rue du Chevaleret, et dans ce but, il s'était procuré dans les bureaux de la préfecture le nom et l'adresse de tous les loueurs de voitures établis entre la route de Fontainebleau et la Seine. Les débuts de ses recherches ne furent pas heureux. Dans le premier établissement où il se présenta, les garçons d'écurie qui n'étaient pas levés l'injurièrent. Les palefreniers étaient debout dans le second, mais pas un cocher n'était arrivé. D'ailleurs, le patron refusait de lui communiquer les feuilles où est, ou devrait être du moins, inscrit l'itinéraire quotidien de chaque cocher. Il commençait à désespérer quand enfin, sur les 7h30, au jour, chez un nommé Trigaud, dont l'établissement était situé au-delà des fortifications, il apprit que, dans la nuit du dimanche au lundi, un des cochers avait dû rebrousser chemin comme il rentrait. Même ce cocher, on le lui montra dans la cour, où il aidait à atteler sa voiture. C'était un gros petit vieux, au teint enflammé, au petit œil pétillant de ruse, qui avait dû user sur le siège plus d'un fagot de manche de fouet. Cochet marcha droit à lui. « C'est vous, lui demanda-t-il, qui, dans la nuit de dimanche à lundi, entre 1h et 2h du matin, avait pris deux femmes rue du Chevaleret ?» Le cocher se redressa, enveloppa le coq d'un regard sagace, et prudemment répondit « Peut-être. C'est une réponse positive qu'il me faut. »« Ah ah !» fit le vieux d'un ton narquois. « Monsieur connaît sans doute deux dames qui ont perdu quelque chose dans une voiture, et alors ?» Le jeune policier tressaillit de joie. Cet homme, évidemment, était celui qu'il cherchait. Il l'interrompit. Avez-vous entendu parler d'un crime dans les environs ? Oui, dans un cabaret borgne, on a assassiné. Eh bien, ces deux femmes s'y trouvaient. Elles fuyaient quand elles vous ont rencontré. Je les cherche. Je suis agent du service de la sûreté, voici ma carte. Voulez-vous me donner des renseignements ? Le gros cocher était devenu blême. « Ah, les scélérates ! » s'écria-t-il. « Je ne m'étonne plus du pourboire qu'elles m'ont donné. Un louis et deux pièces de 100 sous pour la course, en tout 30 francs. Gueule d'argent ! Si je ne l'avais pas dépensé, je le jetterais. » « Et où les avez-vous conduites ?»« Rue de Bourgogne. J'ai oublié le numéro, mais je reconnaîtrai la maison. » Malheureusement, elles ne se sont pas fait descendre chez elles. « Qui sait ? Je les ai vues sonner, on a tiré le cordon et elles entraient comme je filais. Voulez-vous que je vous y mène ? » Pour toute réponse, Le coq s'élança sur le siège en disant « Partons !»